بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit dans son livre Manhaj Cheikh Muhammad ibn Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi al-Ta'lif. Donc la méthodologie du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ses écrits. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فإن الكتابة والتأليف عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جوانبها كثيرة متعددة وهذه المحاضرة عن جانب منها وهو منهجه في التأليف. وقبل الدخول في الموضوع أذكر بين يدي لمحات قصيرة عن الشيخ رحمه الله ودعوته. Donc le cheikh, il commence en disant « Bismillahir Rahmanir Rahim, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, notre prophète Muhammad, et sa famille, et ses proches, et ses compagnons, et tous ses compagnons. » Ensuite, le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit « Le fait d'écrire » au sujet du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, cheikh l'islam, rahimahullah, lorsqu'on écrit sur lui, ça comprend diverses facettes, divers aspects. Et dans cette conférence, parce que à la base, ce livre c'est une conférence que le cheikh a donnée. Donc il dit que cette conférence, c'est au sujet d'un des aspects, parmi les aspects qu'on peut mentionner lorsqu'on écrit à propos du cheikh. Et dans cette risale, dans cette muhadara, on va parler de sa méthodologie dans ses écrits. Et à la base, cette conférence, c'est une conférence qui avait été donnée la nuit du 21 du premier mois de l'an 1425, l'année Hijri, selon le calendrier de l'Égir. Et il a donné cette conférence à l'université, à la mosquée de l'imam, Jami'u Imam al-Da'wa, Bir-Riyad. Donc il a donné cette conférence à Riyad, dans la mosquée de l'imam de la da'wa, imam al-da'wa, yani at-tabi'u li waqf as-salam al-khayri. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais mentionner quelques points importants, courts au sujet de la vie du cheikh et de sa da'wa. Premièrement, الأولى الشيخ الإمام وهو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي ولد في سنة 1115 هجريا وتوفي سنة 1206 من قبيلة بني تميم الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس على الدجال أخرجه البخاري وهو دال على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجال وأنهم أشد الناس عليه كما كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشد الناس على الدجال الأعظم فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من أشد الناس على الدجالين الذين ظهروا في أزمانهم من أهل الزيغ والضلال. Donc le premier point que le cheikh il commence à expliquer pour commencer, c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, son nom c'est le cheikh l'imam Mohammed, fils de Abdul Wahhab, fils de Suleyman, fils de Ali al-Tamimi. Donc il est né en l'an 1115 et de la Hijra et il est mort en l'an 1215 et il est mort en l'an 1206 de la Hijra. Il est de la tribu de Bani Tamim. Il est la tribu de Bani Tamim qui, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils seront les gens qui seront les plus durs contre le Dajjal. Donc il a dit à propos de Bani Tamim que ce seront ceux qui seront les gens les plus durs contre le Dajjal et c'est rapporté dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le hadith 2543 dans Sahih Al-Bukhari. Donc ce hadith prouve que cette tribu va rester jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'époque du Dajjal et qu'ils seront les gens qui seront les plus durs. Qui vont donner plus de difficultés au Dajjal. Ils seront les plus durs contre le Dajjal. Donc, ils seront là jusqu'à la fin des temps et qui seront plus durs contre le grand Dajjal qui va venir à la fin. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, de même que ses enfants et ses petits-enfants et ses élèves et leurs élèves, ainsi que les élèves de leurs élèves, ont été les gens les plus durs contre les faux messies et les menteurs et les faux prophètes qui sont apparus à travers le temps parmi les gens de l'égarement et de la déviation. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, الثانية أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله من الأئمة المجددين الذين أظهر الله بهم الدين ونصر بهم الحق في القرن الثاني عشر من الهجرة وما بعده وهو بنعمة من الله عز وجل وهو نعمة من الله عز وجل أنعم بها على الجزيرة العربية وغيرها حيث قضي في بلاد اليمامة وما تبعها من البلاد على مظاهر الشرك والبدع وظهر فيها التوحيد وقد كانت تلك البلاد قبل زمن الشيخ رحمه الله لا تختلف عن البلاد الأخرى التي لا تزال مفتونة بأصحاب القبور ودعائمهم ودعائهم وطلب الحاجات منهم فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها أحسن جزاء وأثابه أتم مثوبة. Donc le deuxième point que le cheikh mentionne avant de commencer, c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fait partie des imams qui font partie des réformateurs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force à sa religion et par lequel il a défendu et donné la victoire à la vérité dans le 12e siècle de la Hijra. Et également les siècles qui ont suivi par la suite. Un point à mentionner ici par rapport à ça, c'est que quand on dit le Mujaddid, c'est très important de comprendre que la signification du Mujaddid, c'est pas comme certains essaient de l'interpréter parfois parmi ceux qui déforment la signification de ce terme. que le mujaddid ou le réformateur, c'est quelqu'un qui, yani, il vient réinterpréter les textes à la lumière de la civilisation occidentale, ou bien à la lumière de la modernité. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en réalité? C'est pas de la réforme, c'est de la déformation. Ça, c'est la réalité. Donc, ils prennent tout ce qui est en contradiction avec les modes de vie modernes de l'Occident, et quand ils trouvent des choses comme ça qui sont dans le Coran ou dans la Sunna, eh bien, ils essaient de déformer et de tordre l'essence des versets et des hadiths qui parlent de ces choses-là, pour que l'islam soit en accord avec les modes de vie et les philosophies des kuffars, des mouchriquins, et des gens de bid'a, des gens d'égarement et des gens de passion. Donc le mujaddid, c'est tout à fait le contraire de ça. Le mujaddid, c'est celui qui vient justement remettre les gens sur la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amenée. Hein, éliminer les innovations et purifier la religion de tout ce qui a été rajouté par les égarés, les gens d'innovation, les gens de bid'ah, et corriger les erreurs qui ont été ramenées dans la religion, comme les fausses interprétations et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point important à mentionner au sujet du terme mujaddid et du terme tajdid, parce qu'il y en a des gens qui jouent avec ça. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fait partie de ceux qui sont venus réformer la religion, justement, comme le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad il le dit ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé cet homme-là comme une grâce, hein, en réalité, par laquelle il a fait cette grâce sur la péninsule arabe et sur les autres pays également, puisque par cet homme, eh bien, la région dans laquelle il est venu et les régions qui sont aux alentours de cette région-là ont été purifiées des différentes manifestations de shirk et de bid'a qui existaient dans ces régions-là, et par lui également il a donné la victoire au tawhid, à l'unicité d'Allah. Comme le cheikh il le mentionne, il dit que dans ces pays-là et dans ces régions-là, avant la venue du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, il n'y avait aucune différence avec les autres pays et avec les autres régions. C'est-à-dire que quand on regarde les autres régions, on voit qu'elles sont toujours, la proie de différentes manifestations de shirk. Comme les gens qui ont la tentation de l'adoration des tombes et de l'invocation des saints et des tombes. Les gens qui vont les invoquer, qui vont invoquer les morts, les saints, les tombes, et qui vont demander aux morts les choses qu'ils ont besoin, des choses de ce genre, que les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, parmi les choses qu'il a fait, c'est justement de purifier cette région-là de toutes ces différentes manifestations-là de shirk qui existaient dans ce pays-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et le retribue pour l'islam et les musulmans, hein, dans ce pays-là, de la meilleure récompense, et qui lui donne la meilleure rétribution. Troisièmement, as-salisa, da'wat al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله مبنية على اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ولم يأتي بشيء جديد يخالف ذلك، ولهذا فلا توصف دعوته ومن استفاد منها بالوهابية، لأن النسب إلى الأشخاص إنما تكون لمن أتى بشيء جديد وهو لم يأتي بشيء جديد، وإنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم. تنفيرا من الاستفادة بهذه الدعوة المباركة المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. Donc le cheikh il dit troisièmement, la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab elle est basée sur le fait de suivre le Coran et la Sunna et de marcher sur la même voie que celle de nos prédécesseurs, les prédécesseurs de cette Ummah parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière par la suite. Et il n'a rien ramené de nouveau qui est en contradiction avec le Coran, qui serait en contradiction avec le Coran, la Sunna ou la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas qualifier sa da'wah et ceux qui ont profité de cette da'wah d'être des wahhabites ou de suivre qu'est-ce qu'ils appellent al-wahhabiyya, parce qu'il y a des gens qui disent que toute personne qui est sur le Coran et sur la Sunna et qui suit la compréhension des salaf al-salih et qui appelle au tawhid et qui rejette les innovations et les bid'ah, que ce sont des wahhabiyya. Donc le cheikh il dit on ne peut pas utiliser cette attribution là puisque le fait d'attribuer à des gens le nom d'une personne ou de personnes en général, c'est quelque chose qu'on fait lorsque quelqu'un a ramené quelque chose de nouveau. Alors que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a rien ramené de nouveau. Donc ceux qui utilisent cette appellation ou ce sobriquet de dire Wahhabi ou bien Wahhabiya, ils l'utilisent uniquement dans le but de faire justement d'utiliser ce sobriquet là pour faire fuir les gens. Et ceux qui utilisent ces sobriquets là, comme je disais, c'est des gens qui n'ont pas eu le succès justement de suivre la voie droite et le chemin droit que Allah nous a ordonné de suivre. Donc pour empêcher les gens de profiter de cette da'wah qui est bénie et de suivre cette voie, donc ils essaient de prendre ce nom-là, Wahhabi, et de faire peur aux gens avec ce mot-là, en disant fais attention, ça c'est des Wahhabi, fais attention, suis pas tel ou tel, ça c'est des Wahhabi. Hein? Donc quand ils leur disent le mot Wahhabi, ça leur fait peur, parce qu'ils savent pas ce que c'est, et ils pensent que c'est quelque chose qui est nouveau, ou que c'est une nouvelle secte, ou que ce sont des gens qui appellent à quelque chose de différent de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ça c'est une de leurs ruses. Donc, تَنْفِيرًا مِنَ الْإِسْتِفَادَةِ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ. Donc, ils veulent faire fuir les gens du fait de profiter de cette da'wah et de cette da'wah qui est en réalité basée sur le Coran et sur la Sunna et sur ce que suivaient les prédécesseurs de cette Ummah. الرَّابِعَة ومن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قيام دولة على هذا الأساس. أول إمام فيها الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي ناصر الشيخ الإمام وحكم شرع الله في ولايته واستمرت الولاية في هذه الأسرة إلى عصرنا هذا وقد مضى عليها ما يقرب من ثلاثة قرون. ومن المعلوم أن استمرار هذا البقاء لهذه الدولة في تلك القرون سببه القوي بتوفيق الله الاستفادة من هذه الدعوة المباركة المبنية على تحكيم شرع الله واتباع الكتاب والسنة وهو السبب الأقوى لاستمرارها في المستقبل. ثبتها الله على هذا الحق وأعانها على القيام به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que, comme quatrième point, parmi les grands effets louables de cette da'wah, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est établi et basé sur le Coran et sur la Sunna et ce que suivaient les prédécesseurs de cette Umma, il y a le fait qu'il y a eu l'établissement d'un État, d'un pays, qui est établi et bâti et fondé sur cette da'wa, sur la da'wa salafia. Et son premier imam, son premier dirigeant dans cet état, c'était le cheikh, l'imam Mohammed ibn Saoud. C'est lui le premier qui a été le premier dirigeant de cet état-là, qui est fondé sur cette da'wa. Et c'est lui qui est venu en aide au cheikh et qui a par la suite établi la charia dans sa région, là où il était le dirigeant. Et il a continué à régner et à diriger, lui ainsi que sa famille, jusqu'à notre époque. Hein? Et c'est pour ça qu'on appelle le pays actuellement Al-Dawlat al-Saoudiya. Al-Mamlakat al-Arabiya, al-Saoudiya, qu'on l'appelle Saoudiya à cause du Cheikh Mohammed bin Saoud. D'accord? Et ça fait maintenant à peu près 3 siècles hein, qu'il règne. Et on sait très bien que une des raisons pourquoi cet État est resté pendant ces siècles, une des raisons très fortes de ça, c'est que yani, ils ont eu le succès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils se sont basés sur cette da'wa bénie qui est établie sur le fait de juger par la révélation et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de suivre le Coran et la Sunna. Et ça, c'est la raison la plus forte qui explique pourquoi cet état-là est resté jusqu'à aujourd'hui et qu'elle restera, inshallah, dans l'avenir, et que Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les raffermisse sur la vérité et qu'il les aide hein, à établir cette vérité et à rester dessus de la manière qui lui plaît et qui le satisfait. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un point important qui enrage aujourd'hui les gens de Bid'a et qui enrage aujourd'hui les kuffars et les mushrikines qui détestent la charia de l'islam, qui détestent les prophètes et les messagers d'Allah et qui détestent le Coran hein, et les gens de Bid'a qui détestent la religion de l'islam telle qu'elle a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa aqida pure, c'est-à-dire la aqida du tawhid et la aqida des salafs hein, et tout ce que cela implique, et qui préfère plutôt la bid'a, la place. Ensuite le cheikh il dit: wa min mahasin ad-dawlat as-saoudiyya al-hadira ihtimamuha bil-mushtaghilin bil-'ilm من أحفاد الشيخ الإمام وإسناد ولايات الإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد إليهم وقد نشأت دعوات حديثة لم تقم على منهج صحيح وطريقة سليمة اشتد حرص أصحابها على الظفر بولاية ولم يفرحوا بها بخلاف هذه الدولة التي مكنها الله في الأرض لما قامت عليه من الحق والهدى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقد قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الشيخ il dit que parmi les beaux aspects de cet état de l'Arabie Saoudite qui est actuellement présentes, hein, qui sont présentes actuellement, c'est qu'ils se préoccupent de toutes les personnes qui sont occupées à propager la science et à enseigner la science, et ils leur donnent une importance, en particulier parmi les les descendants du cheikh, de l'imam, et c'est à eux qu'on a remis la responsabilité de la fatwa et également du fait de tout ce qui a rapport avec les jugements et de la da'wa et de l'orientation. Et ensuite, le cheikh, il dit, il y a plusieurs autres formes de da'wa qui sont apparues, des da'wat récentes, contemporaines, qui sont apparues, mais qui n'étaient pas établies sur une méthodologie correcte, une méthodologie propre et saine. Comme par exemple, on peut donner comme des exemples parfois, qu'est-ce que le cheikh il dit ici, des ikhwan, les frères musulmans en Égypte, ou bien Jamaat Tabligh, ou bien Hizb al-Tahrir, ou bien d'autres groupes égarés et ignorants, parmi ces groupes-là, parmi les groupes qui ne sont pas sur cette méthodologie correcte. Et ils ont fait tout, les gens de ces groupes-là, comme le cheikh il dit, ils ont tout fait pour essayer d'établir un État et d'avoir une autorité ou un pouvoir. Mais ils n'ont pas pu se réjouir de cela. Contrairement à ce pays, l'Arabie Saoudite, que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi sur la terre et auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné la stabilité sur la terre, parce qu'ils se sont établis sur la vérité et sur la guidance. Et il mentionne un verset dans le Coran justement à ce sujet-là. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. الزَّبَدُ c'est l'écume. Donc elle s'en va sans aucune sans aucun profit, sans qu'elle soit bénéfique. Tandis que ce qui est bénéfique et qui est profitable, eh bien ça reste sur la terre. Et il mentionne un autre verset également à ce sujet, dans ce sens-là aussi. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous allons donner la victoire à toute personne qui défend, la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes fort et puissant. Ce sont ceux que lorsqu'on leur donne la puissance sur la terre ou la stabilité sur la terre, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et c'est à Allah qu'appartient la conclusion, la bonne conclusion des choses. Donc ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, الخامسة أن من الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من يحمل بعض الأحاديث الواردة في الفتن التي فيها أن نجدا فيها الزلازل والفتن وأن منها يطلع قرن الشيطان من الحاقدين من يحملها على اليمامة التي اشتهرت في الأزمان المتأخرة باسم نجد واشتهرت في الأزمان المتأخرة باسم نجد لصد الناس عن الاستفادة من هذه الدعوة المباركة وما يزعمونه من ذلك الحمل باطل لأنه قد جاء في بعض الأحاديث وفي كلام أهل العلم ما يبين أن المراد بها العراق وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تخريجه أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي صفحة 19 أو 9-10 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة الحديث 2246 طرقا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما في ذلك وفي بعضها ما يبين المراد وهو العراق. Donc le cheikh il dit comme cinquième point que parmi les gens qui ont une haine contre la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, parmi les gens de bid'ah, ils essaient d'appliquer certains hadiths qui parle des différentes tribulations et des fitanes dans laquelle il y a la mention que le Najd sera la région dans laquelle il y aura les tribulations, les fitanes, et que c'est de là que les cornes du shaitan vont se lever. Certains parmi ceux qui ont la haine contre cette da'wah, ils essaient d'appliquer ces hadiths-là à la région de Al-Yamama, la région d'où vient le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou bien la région de Yani, ils essaient de dire que c'est des hadiths qui parlent de cette région-là, parce que c'est des régions qui, à l'époque, dans les époques tardives, les gens ont attribué à cette région-là le nom de Najd. On l'a appelé le Najd. Et dans le hadith, on parle de Najd. Donc les gens pensent que ces hadiths-là s'appliquent à l'Arabie Saoudite, ou bien à la région du Cheikh. Et ça, on retrouve souvent, hein, par rapport à ce que le Cheikh il dit ici, on l'entend souvent de la bouche des soufis. Vous allez voir même dans leur site internet, quand ils parlent du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et des Wahhabiyya, comme ils les appellent, ils vont toujours citer ces hadiths-là et essayer de dire que ce sont des Khawarij, et essayer de mentionner les hadiths qui parlent qu'à la fin du temps, c'est de cette région-là, du Najd, qu'il y aura des fitan, et c'est de là que les cornes du shaitan vont se lever, et ainsi de suite, pour essayer de, comme le Cheikh il le dit, d'appliquer ces hadiths-là sur cette da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour éloigner les gens, les empêcher de suivre cette da'wah. Mubarakah. Le Cheikh il dit toutefois ce qu'il pense est faux. Et cette application est totalement fausse. Puisqu'il y a des hadiths, d'autres hadiths qui sont mentionnés dans ce sens-là, qui clarifient que qu'est-ce qu'on veut dire par ces hadiths-là, ce n'est pas le Najd de Al-Yamama, mais plutôt l'Irak. Que ces hadiths s'appliquent en fait à l'Irak. Et les paroles des hommes de science, les paroles des hommes de science et des savants clarifient cela également. Et le Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il a fait le tahrij des hadiths qui parlent des mérites de la région de la Syrie et de Damas, de Sham en arabe, Damas et Sham, de la Syrie, il a fait le tahrij de ce livre qui a été écrit par un savant qui s'appelle Al-Rab'i. Il a dit, à la page 9 et 10, et également dans son livre Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le hadith 2246, en rapportant les différentes versions du hadith d'Abdullah ibn Omar à ce sujet-là, dans certaines de ses narrations et de ses différentes chaînes, il y a une clarification de la signification de ce hadith qui parle du Najd, et que c'est l'Irak. Et il dit وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه لأن بعض المبتدعاء المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية ويحملون الأحاديث عليه باعتباره من بلاد نجد المعروف اليوم بهذا الاسم وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا الحديث وإنما هي العراق كما دل عليه أكثر طرق الحديث وذلك قال العلماء وبذلك قال العلماء قديما كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه والعكس بالعكس فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر وفي العراق من عالم وصالح وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. Ça c'est une explication du Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani que le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad il a mentionné. C'est très intéressant. Le Cheikh il dit que le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab justement il dit dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, il dit la raison pour laquelle j'ai dans ce tahrij, j'ai mentionné toutes les différentes narrations et les différentes chaînes et avec les différentes versions, des hadiths, je les ai toutes mentionnées et j'ai pris tout mon temps pour les rapporter parce que certains des mubtadi'a, des gens qui sont en guerre contre la sunna, parmi les gens qui sont déviés, qui ont dévié du tawhid, ils essaient d'attaquer l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, le réformateur de la da'wa du tawhid dans la péninsule arabe. Et ils essaient de prendre ces hadiths et de les appliquer, ou de considérer qu'ils ont, ils s'appliquent à la région qu'on appelle le Najd aujourd'hui, qui est connue sous ce nom-là, qui est connue sous le nom aujourd'hui par le Najd, ou le mot Najd. Et ces gens-là ignorent, ou ils font semblant d'ignorer, que ce n'est pas de cette région-là, ou de ce Najd, dont on parle dans les hadiths. On parle dans les hadiths plutôt de la région de l'Irak. Hein? Et ça, c'est la parole qui est mentionnée dans différentes narrations de ce hadith, et qui est clarifiée dans différentes narrations de ce hadith, et c'est ce que les savants ont dit anciennement. Comme l'imam al-Khattabi et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres parmi les savants aussi. Et parmi les choses aussi que ces gens qui sont en guerre contre la sunna et contre la da'wa du Cheikh ont ignoré également, c'est que, et ça c'est un point important aussi, c'est que le fait que quelqu'un vienne d'un pays qui a été blâmé, ça ne veut pas dire que cette personne-là elle-même est blâmée. De la même manière que le contraire aussi. C'est pas que quelqu'un vient d'un pays qui a été loué, que cette personne-là est nécessairement bonne ou louable. Et donc le Cheikh il dit, combien de gens qui viennent de la Mecque, ou de Médine, ou de la Syrie, ont été en réalité des gens pervers et des pécheurs? Et combien de personnes qui viennent de l'Irak ont été des grands savants et des hommes pieux? Hein? Donc, ça ne veut pas dire que si une région a été blâmée dans un hadith, que tous ceux qui sont dedans seront toujours des gens qui sont mauvais. Et ça ne veut pas dire non plus que si des gens, par exemple, viennent d'une région qui a été louée, dans laquelle on a parlé en bien, que ces gens-là sont tous mauvais. Que ces gens-là sont tous bon, yani, ça ne veut pas dire que ils sont tous bons. Il peut y avoir des gens mauvais dedans. Et ça, c'est un exemple. Par exemple, tu les entends, par exemple, ces soufis, ils vont dire, ah, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il vient de Najd al-Yamama, et c'est de là que venait Musaylama al-Kadhab, le faux prophète. Donc, ça veut dire que c'est un faux, pour eux, ça veut dire, ah, ça, c'est un faux savant, il n'était pas correct. Parce qu'il vient de Najd al-Yamama et c'est de là que venait ce faux prophète, donc il n'est pas correct. Et c'est bête. Il y en a de dire ça et c'est complètement absurde. Et combien de grands savants, par exemple, sont venus d'Égypte, comme l'imam al-Layth ibn Sa'd, qui venait de l'Égypte, alors que c'était là que est né Pharaon. Donc, est-ce qu'on va condamner tous ceux qui viennent de l'Égypte à cause de Pharaon? Non. C'est de l'absurdité de dire une chose pareille. Et pourtant, ces gens-là répètent à chaque fois ces bêtises-là. Donc, le Cheikh, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme il est bonne la parole de Salman al-Farisi lorsqu'il a parlé à Abu Darda, et qu'il l'a appelé à faire la hijra de l'Irak jusqu'à la Syrie. Il lui a dit, en ce qui concerne Amma Ba'd, il a dit ensuite, Les terres saintes ne rendent personne saint. Ce n'est pas les terres saintes qui rendent quelqu'un saint, mais c'est uniquement les actions d'une personne qui peuvent la rendre saine ou la rendre propre ou pure. Et donc c'est ça qu'on doit prendre en considération, et non pas l'endroit d'où tu viens. Il y a des gens qui, si quelqu'un vient d'une ville en particulier qui est une ville bénie, une ville bénite, ça ne veut pas dire que la personne est bénite elle-même. Yani, tout dépend de ses actions. قال ابن حجر في الفتح بعد أن نقل كلاما للخطابي في الجزء الثالث عشر الصفحة 47 بعد أن نقل كلاما للخطابي وقال غيره قال ابن حجر وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة قال الخطابي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور أو الغور فإنه من خفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il donne, il rapporte les paroles de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, le volume 13 à la page 47. Après avoir mentionné les paroles de l'imam al-Khattabi, il dit, et d'autres ont dit également que la parole de, que d'autres ont dit également, les gens de l'Orient, à l'époque, étaient des gens de mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la fitna viendrait de cette région-là. Et les choses se sont produites telles qu'il l'avait mentionné. Parce que la première fitna qui est apparue, elle est apparue de la région de l'Orient. Et ça a été donc, il y a eu dans cette région-là, qu'est-ce qui a été une cause de la division des musulmans. Et ça, c'est ce que le shaitan aime, et c'est ce qui le réjouit, que les musulmans se divisent. Et de même que plusieurs innovations sont apparues et sont nées dans cette région-là. Et l'imam al-Khattabi, il a dit, Najd, le Najd, c'est de la direction de l'Orient. Et le Najd, pour la personne qui était à Médine, c'était le désert de l'Irak et ces régions-là. Et c'est l'Orient par rapport à la ville de Médine. Donc, à la base du Najd, c'est toute région qui est élevée parmi les régions de la terre. Donc, en fait, c'est un plateau. Et le contraire, c'est qu'est-ce qui est, yani, plus bas. Tout ce qui est plus rabaissé, comme un terrain qui est plus bas, rabaissé. Donc, ça on l'appelle en arabe, je pense, Raour. Hein? Donc, ça c'est comme la région de Tuhama. Tuhama, c'est une région qui est plus basse. Et la région de Mecca fait partie de cette région-là, Tuhama. Ensuite, il dit وقال قبل ذلك في الفتح المجلد السادس الصفحة 352 عند شرح حديث رأس الكفر نحو المشرق وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس لأن مملكة الفرس من ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة وكانوا في غاية القسوة والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحا في الفتن. Donc le cheikh il dit, et l'imam l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a mentionné également dans le volume 6, à la page 352 de Fath al-Bari, lorsqu'il a expliqué le hadith, la tête de la mécréance vient de la région de l'Orient. Il a dit, et il y a ici une indication de la sévérité du kufr des Majus. Et il dit parce que le royaume de la Perse à l'époque et de ceux qui étaient sous leur obéissance parmi les Arabes, eh bien, ils étaient de la région de l'Orient, par rapport à la ville de Médine, Al-Madina. Et c'était des gens qui étaient très durs et qui avaient beaucoup d'arrogance et de fierté. Jusqu'à à tel point que lorsque le roi a reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, eh bien il l'a pris et il l'a déchiré. Lorsqu'il a reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'invitait à l'islam, eh bien il a pris sa lettre et il l'a déchiré. Et il dit ensuite, Ibn Hajar al-Asqalani, il dit ensuite que les fétanes ont continué d'apparaître de cette région-là, comme on va l'expliquer plus tard de façon claire dans les questions des fétanes. Donc ça c'est la fin de la citation. Il dit « وقال النووي في شرح صحيح مسلم والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من نعم وقال النووي في شرح صحيح مسلم والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر كما قال في حديث وكما قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومسار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. Donc le cheikh il dit donc que dans le Sharh de Sahih Muslim, dans le volume 2 à la page 34, l'imam al-Nawawi il dit que qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'Orient en particulier, c'est yani que de cette région-là, par l'Orient, il y aura le shaitan aura plus d'emprise sur eux. Sur les gens de cette région-là, et un état sale de shaitan ou min al kufri, donc il y aura plus de mécréance de cette région-là aussi. Comme c'est mentionné dans un autre hadith, que la tête du kufr est de cette direction-là, la direction de l'Orient. Et également, ça c'est qu'est-ce que le prophète Sam a dit à son époque, lorsqu'il a dit que le Dajjal allait sortir de cette région-là. Donc le Dajjal va venir de cette région-là. Et c'est parmi les différentes sources des différentes grandes fitanes qui vont apparaître. Ainsi que également les autres fitanes qui sont apparues, comme les Tatars et les Turcs. Parce que les Turcs à la base ils viennent des Tatars. et ainsi de suite. Donc, ils vont venir des, ils ramènent toutes des fitanes qui sont ramenées de cette région-là de l'Orient. Et donc, on voit aussi maintenant qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, dans les dernières années, en Irak, hein, qui prouve que l'Irak est un endroit de fitna, de différentes tribulations qui causent beaucoup de problèmes dans la Oumma. Ensuite, le Cheikh il dit, وقد مر في كلام ابن حجر قريبا أن ظهور البدع كان من تلك الجهة أي جهة المشرق ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان خروجهم من تلك الجهة ومجيء التتار للقضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد كان من المشرق وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة كما فإنه كما جاء في صحيح مسلم يخرج من خلة بين الشام والعراق. وفي صحيحه أيضا يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم طيالسة. Donc, le Cheikh, il dit ici que, on a parlé, on a mentionné la parole de Ibn Hajar, il n'y a pas longtemps, qui montre que les bid'ahs vont apparaître de cette région-là, c'est-à-dire de l'Orient. Et parmi les exemples de ces différentes innovations-là, il y a la bid'ah des Khawarij, des Shia, des Qadariya, des Jahmiya, hein, qui sont tous sortis de cette région, de l'Irak. Hein, de l'Orient par rapport à Médine. De même que l'avenue des Tatars, qui sont les Mongols, la même chose, qui viennent de l'Orient. Et c'est eux qui ont écrasé et qui ont terminé le Khilafa de Dawla al-Abbasiyya et qui ont fait tomber la ville de Bagdad. Donc tout ça, ça venait de l'Orient. Et à la fin des temps également, le Dajjal va sortir de cette région-là. Comme c'est mentionné dans le hadith, dans Sahih Muslim, le hadith 2137, qui mentionne que le Dajjal va sortir dans un espace entre la Syrie et l'Irak. Et également, dans le Sahih Muslim, le hadith 2944, qui mentionne que le Dajjal va être suivi par 70 000 parmi les Juifs de la région de Asbahan. Hein, ils auront sur eux un certain vêtement. كما أن تلك الجهة منشأ كثير من البدع ومنها ظهور كثير من الشرور فإن فيها كثيرين من أهل العلم الذين ردوا على المبتدعة ومنها محدثون وفقهاء كبار ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن ماجه القزويني وقد ألف الشيخ محمد أشرف السندهوي المتوفى سنة 1373 رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوع سماها أكمل البيان في شرح حديث النجد قرن الشيطان. Donc le Cheikh il dit ensuite que de la même manière que de cette région-là on va voir apparaître beaucoup de bid'ah et beaucoup de mal. Par exemple, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a vu en Irak avec Saddam Hussein et le parti Ba'ath, hein? Il est parti Ba'af, donc ça aussi ça vient de cette région là donc de la même manière qu'on a vu toutes ces différentes choses mauvaises qui sont apparues là-bas, il y a aussi parmi les gens qui viennent de cette région là des grands hommes de science qui ont réfuté les gens de Bid'ah. Parmi eux, il y a des savants de hadith, il y en a des savants de fiqh qui sont des très grands savants. Et parmi eux, par exemple, les savants qui ont rapporté les 6 livres les plus authentiques de la sunna, comme l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari et l'imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, et l'imam Abu Daoud al-Sijistani, et l'imam Abu Isa al-Tirmidhi, et l'imam Abu Abdurrahman al-Nasa'i, et l'imam Ibn Majah al-Qazwini. Tous ces gens-là viennent de l'Est, hein, de l'Orient. Donc, il n'y a pas que du mal de ces régions-là. Et il y a un savant de l'islam qui s'appelle Cheikh Mohamed Ashraf al-Sandahwi, qui est mort en l'an 1373 Hijri. Il a écrit un livre dans lequel il a clarifié ce qui a rapport avec le sujet de justement la signification du hadith qui mentionne que le Najd est la corne du shaitan, et qu'est-ce que ça signifie ce hadith là et il a parlé de ce sujet là il a clarifié que le Najd qui est mentionné dans le hadith, c'est pas le Najd de Al-Yamama en Arabie Saoudite, plutôt c'est l'Irak, c'est la région de l'Irak et c'est l'Orient. Donc il a mentionné des preuves à ce sujet là et il a clarifié ces choses là donc nous on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, et puis on continuera la semaine prochaine ou bien un autre moment inchallah durant la semaine bi'ifnillah, puisqu'on n'a pas encore déterminé la fréquence inchallah du cours et puis les jours non plus de façon précise. Donc aussitôt qu'on aura l'occasion inchallah on fera la suite. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.